Donc, je suis doctorante au laboratoire Cresson. J'ai commencé ma thèse au mois d'octobre 2015. Donc, cette thèse qui s'appelle « L'habituation aux ambiances, partage de l'expérience quotidienne à la Villeneuve de Grenoble ». Donc, c'est une thèse en co-direction avec Jean-Paul Thibault, Marc Uzeb et aussi Nicolas Tixier. Donc, c'est une thèse qui est financée par la structure fédérative de recherche Territoire en réseau, qui est à l'IUG. Donc, je vais commencer par vous présenter le contexte de cette recherche, qui est le projet de rénovation urbaine en cours à la Villeneuve de Grenoble, et plus précisément la démolition du 50 et la réhabilitation des montées autour. Ensuite, j'expliquerai les problématiques et je finirai sur une présentation de façon chronologique des méthodes qu'on utilise au cours de cette recherche. Alors, la Villeneuve, c'est aujourd'hui un quartier qui fait polémique. Construite dans les années 1970 à base de pensées d'utopie, elle est souvent décriée pour des faits de violence. Un quartier perçu comme fermé sur lui-même où les Grenoblois n'oseraient pas s'aventurer. Mais parallèlement, la Villeneuve, c'est aussi un nid d'association où les habitants prennent en main leur lieu de vie, ils tentent de l'améliorer, de le modifier et réussissent même parfois à influencer la politique de la ville, comme le montrent les ateliers participatifs actuels. Parce qu'à Villeneuve, les habitants se mobilisent. Donc j'aimerais lire juste un passage d'un article d'un journal associatif de la Villeneuve qui parle d'une destruction envisagée du collège. Le collège des Saules. Alors, n'invoquez pas de faux prétextes de vétusté, d'insalubrité, de dangerosité ou de quartier ghetto qu'il faut ouvrir pour raser un truc qui a plein d'espace dans lequel on pourrait faire de bien grandes choses. Si vous nous demandez notre avis, on vous le donnera volontiers. D'ailleurs, on vous donnera notre avis quoi qu'il en soit. Évidemment, on espère que vous en ferez quelque chose. Nous avons des besoins et des envies. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on ne veut pas. On ne va pas faire de catalogue maintenant, mais il y en a des choses possibles, si on veut, en tout cas nous on veut. Donc la Villeneuve a été sélectionnée par l'ANRU pour un projet de rénovation urbaine. Et cette rénovation, qu'elle soit par endroit déjà effectuée ou encore à l'état de projet, provoque des réactions. Et l'émotion dans ces réactions nous montre un sentiment d'appartenance fort envers le quartier. Donc ça c'est... un schéma qui montre, on ne peut pas lire, mais ce n'est pas nécessaire, qui montre les étapes de la rénovation urbaine. Donc la première phase a commencé en 2003 et est actuellement en train de se finir. Il y a une deuxième phase, le NPNRU, qu'on surnomme aussi ANRU 2, qui commencera en 2017. Donc sur cette carte, on voit, vite fait, on va dire, tous les projets qu'il y a. Il y a par exemple la démolition de parking, silos, le réaménagement d'espaces publics et d'autres choses. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est la démolition. Les deux carrés rouges sont la démolition de partie de l'Arlequin, donc de certains logements. Le plus petit carré rouge à droite, c'est la démolition du 130 qui a été annulée par la mobilisation des habitants. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la démolition du 50, donc le rectangle à gauche. Le 50, c'est le bâtiment orange saumon qu'on voit au milieu, qui a été démoli pendant un an, en 2013-2014. Aujourd'hui, ça donne ça. On s'intéresse donc à ce vide ici et aux réhabilitations des bâtiments autour. À gauche, le 40 et à droite, le 50. En fait, à la Villeneuve, on les appelle les montées du 40 et les montées du 50. C'est donc dans ce cadre-là qu'on souhaite étudier l'habituation aux ambiances, et plus précisément dans les espaces collectifs. Ce qu'on entend par espace collectif, c'est les espaces qui vont de la porte du logement à la rue. Donc à la Villeneuve, ça comprend les coursives, les halls d'immeubles, les escaliers, mais aussi les espaces publics, les places, les commerces, les espaces associatifs. En bref, ce sont tous les espaces que les habitants partagent et fréquentent au quotidien. Donc l'habituation aux ambiances, c'est un processus d'apprentissage qui permet la réactualisation du citadin dans son environnement urbain. Donc c'est une amélioration de la façon de faire au quotidien qui permet d'économiser des efforts d'adaptation. L'habituation, ça fait changer nos pratiques, ça peut être des pratiques qui se fluidifient, des pratiques du quotidien qui ne demandent plus d'efforts ou de réflexion. Ça peut être aussi des sensations qui changent, des sensations qui peuvent s'amoindrir, des sensations qui peuvent passer en arrière-plan, qu'on finit par plus remarquer, sauf en cas de nécessité. Ça peut être aussi des perceptions qui se réorganisent. On voit toujours les choses, mais elles n'ont plus la même importance. On estime en fait que la perception ne s'arrête jamais, mais c'est la sensibilité qui diminue. Il faut savoir que l'habituation, elle est constante et ça passe par trois phases cycliques qui recommencent à chaque variation dans l'environnement. Donc ces trois phases sont l'acquisition, la maturation, la stabilisation. Le quotidien et ses ambiances varient toujours, même si que très peu, et c'est l'habitude qui nous permettrait de gérer cette variabilité du quotidien. Donc les questions qu'on se pose, on s'intéresse à l'habituation dans des lieux qui se transforment et dans des lieux, dans les espaces collectifs. On se demande qu'est-ce qu'il en est de cette réactualisation des habitudes quand le lieu et les ambiances se transforment. Et donc on se demande aussi qu'est-ce qui pourrait réactiver ces processus d'habituation, qu'est-ce qui pourrait entraver ou pas le bon déroulement d'une habituation. Ensuite, la question de l'habituation dans les espaces collectifs, elle nous vient d'une réflexion sur le partage des ambiances et ses effets. Dans les espaces collectifs, on partage et on vit les mêmes ambiances, mais peut-être pas de la même façon. Donc on partage des ambiances, mais on peut aussi les donner en partage en échangeant une vision singulière des ambiances. C'est de là que nous vient cette volonté d'apport mutuel entre chercheurs et habitants, partager ses vécus et ses expériences singulières. Et donc on se demande si on peut partager ces ambiances de cette manière. Est-ce que ce partage peut lui aussi amener à une réactualisation des habitudes, amener un changement des perceptions et éventuellement amener une évolution pour pratiquer et projeter les espaces collectifs. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que nous allons regarder deux montées d'immeubles, deux montées qui avant étaient reliées entre elles, parce qu'il faut savoir qu'à la Villeneuve, on pouvait passer d'un immeuble à l'autre sans forcément passer par le sol, sans forcément en sortir. Et donc maintenant, en plus de cette séparation par la démolition, il y a aussi dans le projet de réhabilitation la volonté de séparer chaque montée d'immeuble et de mettre en place des montées individuelles avec des interphones et une sécurisation des accès. Donc, un peu comme dans la vie mode d'emploi de Georges Perec, on va étudier la vie de ces deux montées d'immeubles. On va essayer de regarder l'Arlequin dans ce qu'il a de vertical, de regarder la diversité de ses habitants et de ce qu'il s'y passe. Et on fait l'hypothèse que ces deux montées et ses habitants nous permettront de répondre à nos questions. Donc la démolition du 50, ça s'est fait sur un an. Ça a été la déconstruction de 68 logements, qui a commencé par une démolition de l'intérieur avec un retrait des matériaux. Et ensuite, la démolition du bâtiment par le haut, par grignotage. Ensuite, après cette démolition, a suivi la réhabilitation des deux immeubles à côté, qui étaient au final les mêmes avant. Elle est aujourd'hui encore en cours. Ça devrait se finir courant juillet 2017. Donc il y a une réhabilitation thermique des façades, une réhabilitation aussi de l'intérieur, des coursives, des halls et aussi des logements. Il y a de nouveaux escaliers et de nouveaux ascenseurs qui sont mis en place. Il faut savoir que cette réhabilitation se fait en site habité, bien qu'il y ait une partie des logements vides. Des ménages sont partis, certains ont été relogés, d'autres n'ont simplement pas été reloués à la fin des contrats de bail, mais aussi il y a des habitants qui sont partis avec les nuisances du chantier. Il faut savoir que cette réhabilitation, en fait, il y en a deux et elles sont complètement indépendantes. Il y a deux maîtres d'ouvrage différents, qui sont les bailleurs sociaux de ces immeubles, deux entreprises différentes et deux groupes d'architectes différents. Nous avons deux exemples différents de gestion d'une réhabilitation, ce qui pourra peut-être nous permettre de comparer l'habituation des habitants en fonction de chaque montée. Donc ce qu'on va chercher à savoir, par exemple, est-ce que les habitants d'un côté se seront habitués plus ou moins vite, est-ce que les pratiques ont changé, lesquelles, comment? Est-ce que les perceptions ont changé aussi? Qu'est-ce qui persiste? Qu'est-ce qui a évolué? Qu'est-ce qui a été difficile à changer? Qu'est-ce qui a été facile et pourquoi? Et aussi, par exemple, qu'est-ce qui fait que l'habituation à ces changements s'est bien ou mal passée? Du coup, pour notre travail, ça va être 3 ans de présence dans le quartier, 3 ans de travail avec les habitants. On espère qu'ils pourront devenir des coéquipiers à cette recherche. Donc je vais expliquer plus précisément toutes les étapes de la méthode, mais avant, il y a 3 choses qui se passent tout au long des 3 ans. Donc d'abord, la tenue d'un carnet de bord pour noter tout ce qui se passe sur le terrain, nos rencontres, les transformations qu'on observe, des détails. Il y a aussi un travail d'observation autonome avec un travail photographique pour rendre compte de la transformation des lieux et un travail d'observation guidée qui se fera en fait avec les habitants, les usagers, les bailleurs sociaux, etc. Tous les gens qui vivent sur les lieux. Et c'est à travers ça qu'on étudiera l'habituation et le vécu. Donc je vais vous montrer un exemple du travail photographique qui est inspiré de Camillo José Vergara. Donc il a fait un livre sur les ghettos américains, sur le devenir ruine des ghettos. Il utilise deux méthodes pour son travail, c'est la reconduction photographique où il reprend des photos des mêmes endroits pour nous montrer l'évolution et aussi la recherche de signes et de stigmates du ghetto. Donc un exemple de ce que ça peut donner ici, un des signes de la rénovation urbaine, c'est les barrières qui sont présentes tout autour de leurs habitations, avec juste une entrée pour rentrer aux ascenseurs ou aux escaliers. Et un exemple de reconduction photographique, donc là c'est un balcon qui a été changé sur le bâtiment du 50. Ensuite, dans nos méthodes, il y a quatre étapes principales, qui sont d'abord les rencontres, ensuite des itinéraires, ensuite des entretiens, et pour finir, des retours sur expérience. Donc pour commencer cette recherche, on réalise des entretiens et des rencontres avec les personnes qui sont présentes sur le territoire. Ça peut être les associations, les bailleurs, le personnel de chantier, les architectes et évidemment les habitants. Pour comprendre le territoire et ses évolutions, ses enjeux, et ces rencontres sont aussi l'occasion de commencer à se faire connaître dans le quartier, de rencontrer les habitants et d'exposer notre projet de recherche. C'est là qui est le plus utile le carnet de bord, puisqu'on ne peut pas tout enregistrer, tout retranscrire. Il y a des rencontres qui se font au fur et à mesure. C'est aussi gênant et indiscret de sortir l'enregistreur. Donc tout est noté à la fin de chaque sortie de terrain. En même temps, commence un travail de recherche documentaire sur les montées du 40 et du 50. Ensuite, viendra l'étape des itinéraires. Donc, les itinéraires, ça a été inventé par Jean-Yves Petitot, qui est aujourd'hui, presque jour pour jour, décédé il y a un an. Il a mis au point cette méthode pour observer et comprendre un territoire par et avec ceux qui le vivent au quotidien. Donc lui, il est à droite sur la photo et là, il est en train de faire un itinéraire avec Dany Rose, qui était un docker du port de Nantes. Donc la méthode des itinéraires, ça commence par la réalisation d'entretiens avec chaque participant pour que les partenaires apprennent à se connaître, pour que l'objet de la recherche soit dit. Et donc nous, on va faire cette phase à peu près sur mars-avril. Donc les itinéraires se font à trois, un chercheur, un habitant et un photographe, où l'autre devient guide et institue un parcours sur un territoire et l'énonce en le parcourant. Et le photographe prend des photos tout au long de cette marche. La parole est enregistrée, retranscrite et ensuite associée avec les photos de façon chronologique pour donner un roman photo. Donc c'est ce que nous allons essayer de faire avec les habitants de la Villeneuve. Et dans le cas des dockers, comme c'est ici, les dockers nous ont offert une lecture irremplaçable de la ville. Donc sur juillet-décembre 2016, on aura la phase de fabrication et de partage des itinéraires. Donc c'est la retranscription intégrale des récits, la sélection du texte, le montage des itinéraires avec les photos. Et en fait, on va les partager au fur et à mesure avec les habitants. Donc on s'est entendu avec le journal associatif de la Villeneuve qui s'appelle Le Crieur. Et donc, au fur et à mesure que les itinéraires sont produits, ils seront publiés sur Internet. Mais aussi, on donnera un exemplaire à chaque participant. Donc, le but, c'est que les habitants puissent partager leur récit. Ça pose la question de la confidentialité, puisque leur récit sera public. Donc, ils auront un contrôle total sur leur texte et leurs photos avant la publication. Ensuite, on se donne un temps pour analyser les itinéraires. Ça commence bien sûr depuis les premières retranscriptions. Donc on va comparer entre eux les itinéraires, les récits, mais analyser aussi le récit de chaque personne. On va essayer d'observer les processus d'habituation, les relations que l'habitant peut avoir avec son quartier, les relations sociales entre les habitants et les effets de la rénovation urbaine. Pendant que nous, on analyse les itinéraires, il y a un peu un temps mort pour les habitants, donc on leur laisse le temps de penser à autre chose après qu'ils aient lu les itinéraires de tout le monde. Et ensuite, on réalisera des entretiens. Donc des entretiens en marche, puisqu'on essaye de reproduire un peu la mise en scène des itinéraires, mais cette fois sans photographe, sans roman photo, pour avoir un peu plus d'intimité, pour pouvoir recueillir leurs avis sur le récit des autres, pour qu'ils puissent critiquer eux-mêmes ce qu'ils nous ont déjà dit. Voilà. Donc nous cherchons avec ça à savoir s'il y a des choses qui changent dans son récit à lui, mais aussi d'observer les convergences et divergences entre les différents participants en fonction de l'avis sur les itinéraires des autres. Donc ensuite, on va analyser ces entretiens et croiser les données avec les itinéraires. Donc on va essayer de comparer tous les entretiens entre eux, tous les itinéraires et aussi l'évolution qu'il y a entre un itinéraire et un entretien pour chaque personne. Donc on cherche en premier lieu les convergences et les divergences dans les avis, dans les vécus, mais aussi dans les pratiques. On tentera de trouver des représentations et des vécus collectifs s'il y en a. Qu'est-ce qui est commun dans l'habituation aux transformations d'un quartier, mais aussi quelles sont les particularités d'une personne et pourquoi. Pourquoi telle ou telle personne a vécu plus facilement ou plus difficilement son habituation à tous ces changements. Mais comme nous ne savons pas tout, nous pensons qu'il est important de demander clairement l'avis des participants, puisqu'il va y avoir, je pense, pas mal d'interprétations de leurs actes, de leurs pensées, de leurs paroles. Donc c'est pour ça que nous pensons qu'il est important de faire un retour sur expérience. Donc ce retour, nous allons leur présenter le plus simplement possible nos résultats de toutes nos analyses. Ça a deux objectifs. Donc non seulement de confronter nos résultats et nos interprétations à l'avis de chaque participant, qui sont les réels connaisseurs de leurs évolutions et de leurs habituations, mais aussi c'est fait pour connaître les effets, les impacts de cette expérience de 3 ans, autant sur eux que sur nous. Donc pour finir, les objectifs de cette recherche, c'est évidemment d'étudier les processus d'habituation dans le cadre du quotidien et de la transformation de l'environnement, mais c'est aussi de tester la pertinence des méthodes utilisées, la pertinence pour comprendre les relations entre ses habitants et un territoire, mais aussi la pertinence pour comprendre les processus d'habituation. Et finalement, le dernier objectif, c'est d'obtenir des éléments de compréhension sur l'intégration de nouvelles configurations spatiales à une vie sociale déjà existante. Voilà. Bah merci Maïlys pour la présentation. Je ne vais pas prendre le micro pour faire passer les questions parce qu'il y a un fil et que nous n'avons pas de micro sans fil. Donc je vous laisserai parler fort. Si vraiment on voit que ça ne passe pas, on courra chercher un micro. Donc je laisserai la parole d'abord à Eric Monin pour un premier retour sur cette présentation avant de distribuer la parole dans la salle. Bien, tout d'abord, vous m'entendez parce que je ne parle pas très fort habituellement. Oui, ça va. Faire un effort, les gens sont allés très loin là-dedans. Déjà, merci de m'avoir invité, c'est vraiment très gentil. Merci de la confiance que vous m'accordez, parce qu'il ne faut pas que je dise des bêtises à partir de là. Je tiens aussi à préciser que vous aurez peut-être un regard d'historien, parce que moi, je suis historien, je travaille sur des choses plus ou moins anciennes, des phénomènes plus ou moins récents, mais. Ceci dit, il y a beaucoup de choses qui sont parfaitement intéressantes dans tout ce que vous venez de raconter, tout ce qui sera dit aujourd'hui. De toute façon, on entretient des liens assez étroits avec le question déjà depuis pas mal d'années, ce qui fait que je ne suis pas totalement insensible aux problématiques qui sont développées dans ce laboratoire, dans les autres laboratoires de l'école d'architecture ici. Déjà, Maïlys, merci beaucoup pour cette présentation, qui est extrêmement complète. Bravo, d'ailleurs on n'a pas applaudi, c'est dommage. Il y a des écoles où on applaudit, bon, c'est peut-être les écoles parisiennes, côté Sciences Po. Merci donc pour cette présentation extrêmement complète, parce que ce qui est bien, vous commencez votre thèse, il y a déjà énormément de choses qui sont fixées, des définitions qui sont assez précises, qui pourront encore peut-être évoluer. Cette notion d'habituation, je la découvrais un peu en lisant votre résumé et en vous écoutant ce matin. C'est quelque chose qui me semble peut-être plus clair maintenant. Votre terrain d'étude aussi, si j'ai bien compris, ne va pas se limiter, il se limite aux 40 et 50, oui, les deux parties. Oui. D'accord. En tout cas, ce terrain d'étude est formidablement bien choisi. C'est quelque chose qui parle déjà beaucoup avec les images que vous nous avez montrées, avec tout un tas de questions qui se posent. Puis ensuite, la méthode que vous avez exposée, qui est déjà très clairement posée. Je crois que vous n'avez plus qu'à vous lancer et à récolter les informations, les résultats. Peut-être, en préambule, je voudrais préciser quelque chose. Je ne sais pas si vous avez répondu à cet appel d'offres. Je fais de la pub pour mon laboratoire, le LACT à Lille. Pour les thématiques numéro 16, a été lancé un appel d'offres sur la question de la disparition. Je crois qu'il y a des doctorants d'ici d'ailleurs qui ont répondu. J'ai cru voir des choses en filigrane dans les textes que j'ai lus, notamment autour de Sceaux, je crois. Mais en tout cas, je ne sais pas si vous avez répondu. Oui, non. Non, vous n'êtes pas au courant. Bon, c'est dommage, c'est pas grave, hein, vous pouvez lire le CD16 et puis vous participerez à bien d'autres colloques, j'en suis sûr. Mais cette question de la disparition, effectivement, est convoquée aussi dans le travail que vous faites ici. Ça m'a fait penser aussi à un travail, à une réflexion, une œuvre de Volkanski à Berlin, La maison vide, c'est ça ? Une bêtise ? Oui, c'est ça. Où justement l'artiste réfléchissait au statut ou au sens qu'on peut donner finalement à une dent creuse. Alors une dent creuse qui était le fruit peut-être de la guerre, je ne connais pas toute l'histoire, là aussi il faudrait vérifier, peut-être que je dis des bêtises, mais en tout cas une dent creuse qui a été faite sciemment ou non, et est-ce qu'il en reste, est-ce que ça raconte aujourd'hui ? Et Volkanski se lance dans un travail de mémoire, et quand je vous écoute, aujourd'hui, j'ai l'impression effectivement que vous travaillez aussi sur la mémoire. Vous n'avez pas utilisé le mot, je ne pense pas, dans votre exposé. Non. Je crois que cette notion de mémoire est aussi très présente derrière tout ça. Enfin, une autre chose que je voudrais vous dire, lorsque vous évoquez le carnet de bord, les rencontres, les itinéraires que vous allez mettre en place, essayer de capter des choses. D'ailleurs, cette notion de captation est essentielle, c'est toujours un problème. Comment est-ce qu'on peut attraper un phénomène qui est parfois assez insaisissable pour y donner forme et pour pouvoir avoir des prises. Et les dispositifs que vous mettez en place sont tout à fait explicites, tout à fait intéressants. Mais l'autre point sur lequel je voulais insister, c'était une notion qui est aussi assez familière dans le Nord, c'est la notion de réception. On travaille beaucoup en histoire sur cette question de réception au XXe siècle, à Lille. Je crois qu'ici, finalement, ce que vous faites ressortir, ce que vous captez, ce sont des réceptions. Des réceptions qui ont été parfois, comment dire, unifiées, orientées, dictées par différents organismes, différents acteurs qui ont souhaité effacer des choses pour exalter d'autres choses. Et je crois qu'il serait peut-être utile, effectivement, pour ce travail, de réfléchir, d'avoir en tête, comme je parlais tout à l'heure de mémoire, cette notion de réception. Voilà. Ce n'est pas vraiment des questions pour l'instant, c'est quelques avis que je lance comme ça. Peut-être que s'il y a d'autres prises de parole, on pourra revenir, on pourra continuer d'échanger. Merci. Je viens poser quelques petites questions. Merci d'abord également pour cette présentation qui était très, très claire. Et effectivement, en début de thèse, je trouve que c'est assez remarquable. Alors j'avais différentes petites questions, notamment sur ce terme d'habituation. Vous l'avez défini, vous ne nous avez pas dit, dans sa échappé. Quelles étaient vos sources et notamment dans quelle discipline vous avez puisé ces éléments de définition? Je pose peut-être toutes les questions, puis vous vous répondez. Pas au fur et à mesure, ça me va bien aussi. Ah non, ok, il n'y a pas de souci. Du coup, ce terme d'habituation, je le découvre aussi, un peu avant d'avoir commencé ma thèse. Je l'ai découvert dans la thèse de Hanem Benslama, qui a fait sa thèse au Cresson. Donc pour l'instant, sur l'habituation concrètement, j'ai que sa thèse et je commence à créer une bibliographie sur le thème de l'habitude. Voilà. Mais je le découvre aussi, c'était un effort d'assez bien le décrire entre guillemets aujourd'hui. Ouais. D'accord, mais donc vous êtes en train de me dire que c'est un concept qu'elle a forgé elle-même ou bien elle-même s'est inspirée de disciplines je sais pas, la médecine, la psychologie, la... Ça je sais pas, je sais juste que ça vient de l'anglais. D'accord, ouais. Ben, ça sera peut-être à creuser. Oui, oui, et ça fait pas longtemps du coup j'ai... J'entends. Après, j'avais aussi une autre question par rapport, très concrète, hein, par rapport à votre méthode, les itinéraires. Quelle est la consigne que vous allez donner aux habitants? Est-ce que les parcours sont entièrement libres? Est-ce qu'il y a un périmètre défini? Est-ce que, voilà, et aussi, quels sont les habitants? Est-ce que c'est uniquement ceux des deux montées concernées ou ce sont les habitants de la ville en général? Alors les habitants, ça sera ceux des deux montées, puisqu'on veut un point de départ commun. Il y a une seule vraie consigne, c'est qu'on parte de la porte de chez eux. Ensuite, c'est eux qui choisissent complètement où est-ce qu'ils vont nous emmener. C'est le but en fait d'avoir une rencontre avant et de parler, même de se rencontrer plusieurs fois s'il le faut, pour qu'il y ait déjà beaucoup de choses qui s'évacuent aussi pendant ces premiers entretiens, et pour que vraiment pendant les itinéraires, ils nous parlent de ce qu'ils ont envie de nous parler au moment où ils traversent leur territoire. Donc au moment où ils vont marcher, ils vont décider en voyant les choses au fur et à mesure d'aller par là, ce qu'ils vont nous montrer. Et après, ça fait appel à ce que Jean-Yves Petitot appelle la mémoire involontaire. Et donc on va voir en fonction des choses qu'il regarde, de ce qu'il veut nous montrer, ce qui va arriver de sa mémoire et ce qu'il a envie de nous en dire. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Ici, dernière petite question, si je ne veux pas monopoliser non plus la parole, mais si j'ai bien, alors je ne saurais pas le redire aussi bien que vous, mais si j'ai bien compris dans votre notion d'habituation, il y a une dimension perception, une dimension sensibilité. Vous nous avez expliqué que dans le processus, c'était la perception ne changeait pas, mais c'était la sensibilité qui changeait. Mais est-ce que l'inverse est quand même possible? Et du coup, comment vous mesurez ça dans votre retour à travers les entretiens? Comment vous allez mesurer ce qui relève du changement de perception et ce qui relève du changement de sensibilité? C'est une bonne question. On va essayer de voir ça dans les discours, dans ce qui change dans les discours, mais je pense que c'est compliqué à regarder. Je pense aussi, mais on va essayer. Vous avez un petit peu de temps devant vous pour affiner effectivement la méthode. Moi, je veux bien revenir je pense que la question a été pour partie posée par Eric, parce que moi aussi je suis historienne, donc je pense qu'on a une façon de regarder les choses qui est différente. D'abord, c'était une très très belle présentation, merci beaucoup. C'est agréable de voir commencer déjà avec autant de précision, d'assurance, c'est très agréable de vous entendre. Alors moi, parce que justement je ne suis pas accoutumée à cette question d'habituation et que j'ai tendance à considérer les temps longs de l'histoire, les temps longs des processus, je me posais la question comment votre travail, qui va être un travail sur 3 ans ou 4 ans, mais normalement c'est sur 3 ans, s'inscrit dans le temps long de ce processus de transformation de la ville, c'est-à-dire qu'il arrive a d'ores et déjà eu des transformations d'opérés, une partie du chantier d'opérés. Est-ce que vous prenez en compte justement cette annale aussi du chantier lui-même, de ses évolutions, voire, je ne sais pas, de ses arrêts, reprises, on a bien vu qu'avec les changements politiques, il peut y avoir des moments de flottement. Pourquoi est-ce que je m'interroge par rapport à ça? C'est parce que, bon, cette question d'habituation, vous faites plus, hein, moi je suis novice, mais si c'est en effet... alors je l'avais décrit comme un processus d'apprentissage, amélioration de la façon de faire au quotidien et qui permet d'économiser les efforts d'adaptation. Là en l'occurrence on est sur un processus de chantier qui est lui-même, qui est un bouleversement en permanence pour la population. Donc est-ce que ce processus d'habituation, c'est un processus d'habituation à ce changement permanent, c'est-à-dire comment est-ce que qu'est-ce que vous essayez de voir, comment les populations s'adaptent au jour le jour, sachant qu'elles sont dans un chantier, que ce chantier dure et qu'il va quand même durer pendant un petit moment. Et puis, ce que vous nous avez décrit au tout début, c'était très juste, c'est-à-dire que ce n'est pas un chantier mineur. Parce qu'à partir du moment où vous transformez des circulations horizontales en des circulations verticales, comme on a dans tout immeuble, c'est tout le projet de la vie neuve qui est modifié, c'est-à-dire dans la façon dont il a été conçu. Donc, c'est au niveau de l'architecture des transformations considérables, mais au niveau de la façon dont fonctionnaient ces bâtiments et probablement la façon dont les personnes circulaient aussi, c'est des bouleversements radicaux. Donc, moi, ma question, c'est dans ce processus-là que vous voulez étudier, vous, comment est-ce qu'inscrit dans ce processus, ce long processus du chantier, sachant que du coup, habitude, si habituation, ça, comme vous nous avez dit, ça a trait à quelle habitude vous voulez analyser, c'est-à-dire, et c'est, alors c'est extrêmement intéressant, mais moi c'est mon questionnement. Toutes, j'ai envie de dire, toutes celles possibles qu'on peut essayer de capter. Après, c'est vrai que pour que ça soit vraiment intéressant, il aurait fallu commencer cette recherche avant, faire des entretiens avant que tout change et en refaire après. Mais comme la thèse, ça dure 3 ans, on va faire pendant. Mais il y a quelque chose de bien aussi, c'est que les gens ont une mémoire. Et du coup, pendant les entretiens, pendant les itinéraires, pendant à chaque fois qu'on nous parle, on pourra aussi voyager dans le passé avec ce qu'ils racontent. Donc on pourra étudier les processus sur plus longtemps. Dans leur passé à eux. Oui, leur passé à eux qui fait aussi partie du passé du bâtiment. Ils nous raconteront sûrement comment c'était avant que ça soit démoli, ce qui leur manque, ce qu'ils aiment aussi, que ça, dans les changements peut-être. Donc on verra plus juste là. À la fin de votre thèse, on en sera où dans le projet? La réhabilitation sera complètement finie, parce qu'elle est censée finir en juillet 2016. Et en 2017, ça va être les nouvelles phases. En fait, on ne sait pas vraiment. J'ai demandé à Bouygues, par exemple, ceux qui font la réhabilitation du 50, ils finissent celui qu'on vient de voir en juillet 2017, en juillet 2016, et ils sont censés recommencer la suite du bâtiment en 2017. Mais ils attendent des autorisations et c'est pas sûr que ça démarre, c'est pas sûr que ça soit pas bloqué par les habitants. Du coup, on ne sait pas vraiment. Mais c'est censé continuer sur tout l'Arlequin. Mais plus avec les habitants qu'on étudiera. Il y avait Rainer. Oui, merci pour cette présentation. Je suis d'abord ravi de vous entendre parce qu'on a beaucoup parlé, mais beaucoup sur autre chose. Et finalement, je suis en train de faire un projet assez similaire avec ce que vous avez dit, la densification douce. Donc pour ça, ça m'a parlé beaucoup. Ce sont deux remarques par rapport à ces expériences. Et pour rejoindre un petit peu ce qu'a dit Catherine, je me suis demandé de quelle manière c'est une recherche sur l'habituation aux ambiances de chantier ou des ambiances d'un avant et un après. Du coup, ça serait assez intéressant parce qu'on était confronté un petit peu à la même question sur notre recherche sur la densification. Nous, on ne voulait pas du tout prendre en considération le chantier parce que ça, c'est quand même une autre réalité qui est en transformation permanente. Et par rapport, disons, à une certaine normalité de vie avant et de vie après le chantier. Je trouve que ça serait juste peut-être quelle réalité peut-être marquée, déterminée. Et pour nous aussi, c'était, on a beaucoup moins faim dans nos analyses. C'est, on s'est beaucoup posé aussi la question comment est-ce qu'on saisit la réalité matérielle avant. Et je trouve que c'est quand même aussi pas intéressant pour comprendre cette question d'habituation, parce qu'avant, on avait une autre réalité, un autre habitus, dans lequel on était inscrit avec ces corporelle. Et pour nous aussi, c'était difficile de l'avoir parce qu'on est toujours arrivé après la densification, donc on ne sait jamais l'ancienne matérialité. Du coup, c'est un. De toute façon, moi je vois pour nous c'est un défi, on n'a pas trouvé une solution. Donc je trouve c'est intéressant de réfléchir sur ça parce qu'avec les photos, je peux seulement partir d'un certain moment et que faire des photos de tous les points, c'est important. La deuxième remarque, c'est plutôt par rapport, c'est juste le lancement d'un concept qui est aussi lancé vers nous, je continue à le lancer, c'est la notion d'attachement. J'ai trouvé ça assez, ça nous a, on n'a pas du tout pensé dans notre projet, ça pourrait être, parce qu'habituation, c'est peut-être aussi attachement, c'est ce côté affectif de, par rapport à l'environnement, par rapport à les pratiques dans l'environnement, et c'était quand même une notion assez, quand on est confronté à cette notion, ça nous a, c'est encore enrichi notre réflexion. On ne sait pas encore où ça peut mener, mais c'est juste que je lance cette idée. Peut-être que ça te parle ou pas du tout. Oui, pour l'attachement, ça me parle un peu, parce que je pense que l'attachement peut influencer ces processus d'habituation. Mais je ne suis pas sûre que ce soit la même chose. Ouais. Et bien, juste pour le dire, il y a un joli corpus de recherche sur l'attachement, c'est vraiment un grand truc. Ça t'intéresse, ça peut être intéressant de l'attacher. Ça. Oui, c'était davantage des petites remarques comme ça que des questions. Et c'est la remarque de Catherine qui me pensait à ça. C'est-à-dire que je me demandais où était la frontière, enfin les similitudes, les différences entre habituation et adaptation. Je jette ça comme ça. Je me demandais si l'adaptation ne faisait pas partie peut-être du processus d'habituation. Ouais. Je ne sais pas, il me semble qu'il y a peut-être quelque chose à aller regarder sur ces deux termes-là. Et puis par rapport à la définition que tu donnais, j'avais retenu à peu près la même chose que Kahn. Et je me demandais du coup, quand tu disais que la sensibilité diminuait, je me demandais si c'était vraiment ça, si c'était vraiment la sensibilité qui diminuait ou si c'était pas une sensibilité qui est. Je vais mal le dire, parce que je ne sais pas comment le dire, mais je me demandais si c'était pas plutôt une sensibilité qui était davantage intégrée, incorporée, enfin qui a peut-être des pics de sensibilité moindres. Je ne sais pas si tu vois. Ouais, c'est difficile à dire. Voilà, je ne sais pas bien le formuler, mais en tout cas, je n'étais pas sûre que ce soit une sensibilité qui diminue. Peut-être des degrés qui varient dans la sensibilité, mais que ce n'est pas forcément que de l'ordre de la diminution. Ouais, je ne sais pas comment le dire non plus, c'est un peu un signal qui disparaît. Ouais, donc, peut-être que le fait de dire ça diminue, je ne suis pas sûre que ce soit. Enfin, ça m'interrogeait, ouais. Mais je te le dis comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce rapport entre photographie, mémoire, roman. Roman d'un quartier en processus d'habituation. Je pense que la photographie elle-même ne parle pas encore d'activité. Je pense que, alors on est dans le sensible, c'est une activité, la réception c'est une activité. Alors on pourrait se poser la question, comment la communiquer au-delà de l'image fixe, parce que l'image fixe, elle nous oblige de réinjecter du mouvement a posteriori. Moi je me suis posé la question, je viens du champ de l'art, où on pratique la phonophotographie, c'est-à-dire qu'on va avoir une photographie, mais qui, au travers du son, va puisque vous venez de parler de la mémoire qu'ont les gens d'un quartier qui existait auparavant, quand ils parlent, qu'est-ce que ça donne si on confronte la même image à la fois à une mémoire et à une actualité. Et là, vous êtes dans l'activité elle-même. Oui. Et je pense que bon, ça, c'est juste une petite suggestion. C'est intéressant. Voilà. Et en fait, nous, les photos sont juste utilisées pour juste rendre compte visuellement de la transformation. Mais il n'y a pas de sensibilité, vraiment. Mais c'est intéressant d'entendre ça. Ouais. Des micro-transformations aussi, la manière dont vous faites parler les détails pour essayer de voir comment les choses peuvent changer d'une manière presque invisible, même si la palissade est quelque chose de très visible, il y a des modifications dans le temps, et ça c'est intéressant. Je pensais à un travail qui pourrait vous aider, alors c'est pas exactement ça, mais il y a eu en 2014, aux entretiens Jacques Cartier à Montréal, un colloque donc sur la question du design de chantier. Et il y a eu des participants de Saint-Étienne, évidemment, qui ont contribué à ces journées. Et puis, à Montréal, il y a un gros travail autour de cette question de design de chantier, pour que le chantier s'intègre plus facilement dans la vie quotidienne des habitants. Alors je déplace un peu le problème parce que c'est pas, vous ne voulez pas travailler uniquement là-dessus, ouais. C'est pas ça le centre de votre... Ça joue quand même pas mal avec... C'est vrai. Je ne sais pas si ça a été pensé, anticipé, le chantier, parce que ce qui est intéressant aussi, vous nous plongez dans l'action ici, vous nous plongez dans une temporalité, la transformation, et effectivement, comme c'est Catherine, je crois, qui l'a dit, ou Anne, je ne me souviens plus, ce qui se passait avant... C'est Catherine. Et cet événement, parce qu'il s'agit d'un événement aussi, que cette disparition, ou cette transformation, disons-le comme ça, il y a des antécédents, les choses commencent bien avant l'action, l'action in situ. Donc vous avez dit, ce sont les discours qui vont faire ressortir tout ça. Les discours peut-être, mais vous devrez certainement... aller voir dans quelques archives pour comprendre. Oui, bien sûr, on va faire l'histoire de... Ça s'est mis en place. Oui. Merci. Je voulais savoir, ouais, l'hypothèse, c'est... Parce que habiter et s'habituer, c'est très proche, c'est la même racine, donc habitude et habiter. Et est-ce que habiter, c'est s'habituer et qu'est-ce que vous voulez, outre le fait de montrer qu'il y a des habitudes, en quoi l'hypothèse derrière cette recherche? Tu n'as pas tout compris. Ouais, j'ai pas bien compris. Quelle hypothèse vous faites derrière l'idée que travailler sur les habitudes? Obligé de répondre comme ça. Hein. Ouais, je sais pas. Mais je trouvais que la proximité des deux mots, l'habitude et l'habité, l'habitat, est quand même étrange. Quand on habite, on s'habitue au fur et à mesure. On l'a pas remarqué. Oui, on n'en parle pas. Alors je me dis, bon, est-ce que. Qu'est-ce que ça veut dire habiter dans ce cadre-là? C'est créer des habitudes et c'est quoi le champ des. Enfin, voilà, je sais pas. C'est un peu la question derrière cette proximité-là, moi, qui m'a interrogé, parce qu'après, vous parlez des espaces collectifs, jusqu'où cette habitude. se crée, se dilue. Enfin, je sais pas, il y a des enjeux aussi peut-être intéressants de ce côté-là. Oui, c'est intéressant, mais je sais pas quoi dire du tout. Ah oui, d'accord, ouais, c'est une remarque. T'as raison. L'hypothèse est derrière, je sais pas. Je pense qu'une des questions qui se pose, c'est comment est-ce que la transformation dans le quartier suscite des transformations, des habitudes justement, des manières d'habiter même le quartier. Et des manières collectives aussi, puisque la transformation est très présente. C'est tout ce problème, parce que effectivement, la prise d'habitude dans le cadre des processus de transformation de l'espace. Et comment les habitudes se transforment par la même. Pourquoi réduire aux habitants les deux montées? Parce que effectivement, ça modifie les habitudes de tous, pas uniquement de ces habitants-là, de tous les habitants, puisqu'il n'y a plus de. Vous pouvez dire que vous trouvez un chronoblo. Non. Il y avait quand même une circulation horizontale qui est rompue. Le grenoblois qui habite Place de Colbou, il n'utilisait pas la circulation horizontale. Après, ça fait trop de travail. Si on prend tout le monde, on ne peut pas. Trop de personnes, on ne peut pas traiter les récits d'autant de personnes. Oui, c'est ça. Oui, d'accord, c'est ça. Enfin, on voit bien que par rapport à la logique du quartier, il y a ces deux échelles et c'est un petit peu dommage de se priver de la deuxième. Oui. Et les relogements se sont faits où? Je ne sais pas encore. Parce que du coup, est-ce qu'ils sont à l'intérieur même de la ville? Dans ce cas-là, ça permettrait peut-être effectivement oui, d'aller chercher un peu de sur l'ensemble urbain. Ou est-ce que la transformation, l'habituation est à un ensemble habité d'une nature complètement différente de celle de la ville? Celle de la ville, il y a peut-être là une géographie qui un petit peu. Oui, j'ai oublié de le préciser, mais on veut prendre aussi des anciens habitants, enfin, des gens qui se sont fait reloger par exemple, ou ceux qui ont choisi de partir aussi. Mais j'ai oublié de préciser. Oui. Parce que ce qui est fait dans le trou actuel, c'est une sacrée déshabituation. C'est radical, c'est une brisure violente. Et je ne sais pas s'ils n'ont pas vidé au fur et à mesure, en attendant que les gens partent, les fins de contrat. Et que c'était pas tout le monde dehors et on démolit. Je sais pas. Ils ont été relogés dans la ville. Je sais pas. C'est dur, les infos, c'est au compte-goutte. C'est du